Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Ben effectivement, donc j'ai bien hâte de voir. Donc il est tout simplement pas sortable d'alignement. C'est troisième étoile du match à son premier match, première étoile du match hier. Ça va être difficile pour Peter Laviolette de sortir malgré toute la défensive là, qui est. Ah, ce que vous venez d'entendre, évidemment, j'ai pas fini de le faire jouer. Je l'ai fait jouer pour moi toute la dans mes interventions en ce qui concerne Samuel Girard. Évidemment, c'est le premier but de Samuel Girard diffusé par les commentateurs des Prédateurs de Nashville. On va en parler avec Phil Legagné. Salut, Phil. Salut. Phil, avant de parler de Samuel Girard, je veux te parler de RDS cette semaine qui ont diffusé. Puis j'ai ri beaucoup les capsules. À l'époque, des amateurs de sport avec Serge Coutier, tu faisais les repêchages. C'était le bon temps, ça va. Vraiment, c'était vraiment les. Écoute, c'était les premiers balbutiements de ce qu'on appelle les poules. Puis ça marchait fort à l'époque, là. Effectivement. Et nous, ce qu'on avait fait ça, on avait fait ça pour la masse. T'sais, c'est pas question d'aujourd'hui, il y en a beaucoup de poules encore. Ouais, mais c'est 100, 200, puis 500 piastres, là, les gens trouvent ça un peu dispendieux. Mais à ce moment-là, c'était vraiment un concours qu'on avait organisé avec nos amateurs et ces choses-là. Et ça avait connu effectivement un succès. D'ailleurs, vous le voyez dans la vidéo, les gens sont arrivés habillés en tuxedo, puis toutes sortes de façons de faire. Puis les gens se mettaient 4-5 par équipe. Puis c'était vraiment là une nouveauté à ce moment-là. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les gens ont découvert qu'avec un pool de hockey, quand tu veux suivre tes pools, tu es obligé de suivre à peu près tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Apprendre à connaître les joueurs, apprendre à connaître également les équipes et le fonctionnement. Et t'es pas limité à dire, j'écoute seulement les Canadiens. Et à ce moment-là, c'était les Nordiques également. Oui. Donc, on allait un peu plus loin. Et je pense que ça a vraiment lancé l'ère des poules. Puis aujourd'hui, ben, il y en a sur RDA, il y en a sur TVA Sport, il y en a à l'Auto-Québec, il y en a dans les journaux, il y en a un peu partout. Donc, les stations de radio, c'est rendu maintenant une façon populaire de suivre le hockey. Mais encore là, je veux dire, tu viens que c'est tellement complexe avec le nombre de joueurs dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui, avec tous les nouveaux venus, tu viens que tu dis, ce gars-là, il joue dans la Ligue nationale, puis t'apprends à vraiment avoir des gars qui disent, je savais pas qu'il jouait là, où il était rendu, et donc ça te fait suivre de façon différente un peu le hockey. Mais à ce moment-là, c'était vraiment nouveau, là. Ah ouais, c'était vraiment, vraiment nouveau, puis écoute... il n'y avait pas, parce qu'aujourd'hui, c'était aussi, on peut dire que c'était aussi populaire. Par contre, il y a toutes sortes de façons. Il y a même des poules où on met le plafond salarial. Oui. Il y a des poules où tu mets le plafond salarial. Tu deviens directeur gérant. Ouais. Et là, tu dis, j'ai 70 millions, puis il faut que tu joues avec ça. Non, écoute, il y a toutes sortes de façons d'en faire des poules aujourd'hui, de t'amuser pour avoir du plaisir, sans nécessairement investir des sommes importantes, là. Mais il y a d'autres endroits, écoute. Moi, je sais que pendant quelques années, je suivais ça plus activement, les poules de hockey. J'étais de ceux qui... Écoute, on organisait ça à 500 $, puis on avait des gars de Trois-Rivières, des gars de Québec, des gars de Lactuc, des gars du Haut-du-Lac, un peu partout qui venaient. C'était à nos poules. Mais moi, je suis un peu moins impliqué à ce niveau-là. Tu sais, je veux dire, j'en fais deux fois par année, mais pour le plaisir avec des amis ou des choses comme ça, pour le plaisir, simplement. Puis c'était les bonnes années de la radio aussi, c'est ça que j'ai mentionné. Oui. T'avais d'un côté, t'avais toi et Serge, de l'autre côté, t'avais Jean-Charles Gravel avec Michel Tifo. Les deux stations faisaient des poules aussi, là. Dali, à ce moment-là, il y avait peut-être un peu moins de stations de radio, mais moi, je peux te dire que notre émission, les amateurs de sport, le nombre d'auditeurs qu'on avait à ce moment-là est plus élevé que les shows du matin local actuellement. Mais il y a tellement Aujourd'hui, ils ont 7 8 000. Dans notre temps, on avait 12 13 14 000. En fin de journée, à 4 heures, c'était le rendez-vous, là. C'était comme ça dans le temps. Mais maintenant, ça a changé, là. Tu sais, il y a une multitude de stations, il y a toutes sortes La radio, c'est bien. Et deux, Ouais. Et puis, oui, bien sûr, net, mais à ce moment-là, on avait la grande rivalité Québec-Montréal, les Nordiques et Canadiens. Je veux dire que quand les Nordiques ont parti, la rivalité est devenue moins grande, le suivi des gens du hockey est devenu moins grand, il y a eu des gens qui ont été frustrés par le départ des Nordiques. Donc, et l'effet aussi que les masses salariales ont augmenté de façon faramineuse, les gens se sentent un peu moins impliqués qu'ils l'étaient à ce moment-là. Et moi, ce qui me rappelait dans la vidéo, je ne m'en rappelais pas. Tu sais, Lemieux et Gretzky, on les séparait but-passe parce qu'ils étaient trop dominants. Parce que maintenant, dans la vidéo, on voit le premier choix overall, Pierre Turgeon. Il dit, et je me rappelais plus qu'on séparait Lemieux et Gretzky, les passes, puisqu'il était dans une classe à part. Là, c'était... Écoute, on ramassait à ce moment-là des 180-200 points. Donc, tu sais, il était 200 quelques points et plus. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment, la moyenne de buts était près de 5-6 buts par partie. Aujourd'hui, c'est à 2,5-3, 3,5 le maximum. Donc, c'était très différent. Le hockey de ce moment-là et le hockey aujourd'hui, les systèmes de jeu étaient moins sophistiqués, les gardiens étaient moins bons dans ce temps-là qu'ils le sont aujourd'hui, les systèmes défensifs aujourd'hui sont vraiment très adéquats, et aujourd'hui, tu as deux trios, ils vont en attaque, les deux autres trios, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'empêcher l'autre équipe de marquer. Non, c'est être bon sans la rondelle, aujourd'hui. C'est la mode. Être bon sans la rondelle, t'as le terme exact. Phil, Samuel Girard, moi je suis vraiment abasourdi. Je m'attendais qu'elle allait jouer les 9 matchs puis qu'elle allait être retournée. Mais là, tu peux plus sortir de la ligue. Hein? Alors, écoute, il est pas dans la pire défensive là. Même si Josie est blessé, ils ont perdu également Ryan Ellis. Il est loin d'être dans la pire brigade défensive puis il est pas sortable de l'alignement. C'est impressionnant. Non, écoute, hier, il était le troisième joueur le plus utilisé à la défense. Ouais. Du côté d'une équipe qui a une des meilleures défensives de toute la Ligue nationale de hockey. Ouais. Mais, il y a une chose qu'il faut noter. Plus tu joues avec des bons joueurs, meilleur t'es. Ouais. Exactement ce que le jeune est actuellement. Il joue avec des très bons joueurs, donc c'est beaucoup plus facile pour lui. Il n'a pas à se préoccuper d'aller réparer les erreurs. Assez que l'autre soir, il était responsable d'un but. En réalité, là, c'est son autre défenseur qui l'a mis dans le trou. C'est même pas lui qui a fait l'erreur. Là. Son défenseur, il a fait une mauvaise passe à la défense. Puis là, il s'est trouvé mal pris. Mais actuellement, je joue avec une équipe qui est parmi l'élite de la Ligue nationale au niveau de la qualité de ses défenseurs. Donc, quand tu es rendu le troisième le plus utilisé, et puis la Violette l'utilise dans toutes les sauces. Désavantages numériques, avantages numériques. Et là, vous savez que avec le hockey spécialisé qu'on a aujourd'hui, je pense que dans le cas de Samuel, il peut devenir, avec cette formation-là, le gars qu'on va utiliser quand tous les gars vont être là, sur le deuxième avantage numérique. C'est un peu souvent, on recherche, là, t'as Piqué Souben, t'as Yossi, t'as vraiment des très bons joueurs. Puis quand tu vois Weber qui est là, qui, à mon avis, est quand même un joueur ordinaire et sixième défenseur, un gars comme Samuel peut facilement prendre la place d'un Weber dans cet alignement-là. Mais moi, Danny, là, je voulais te dire quelque chose. Je t'ai préparé mon article pour mardi prochain. Et moi, je pense que si Samuel continue de faire comme ça, ça peut coûter la job de Marc Bergevin. Tu penses? Je m'explique. Ouais. Le gars qui avait la possibilité de repêcher Samuel Girard, c'était le Canadien de Montréal il y a 2 ans, avec 2 choix de deuxième ronde, et il était officiel que le dépisteur-chef du Canadien, Trevor Timmons, le voyait dans sa soupe. Il était choisi par le Canadien en deuxième ronde. Mais son boss a décidé d'échanger ses 2 choix de deuxième ronde pour Andrew Shaw. Demain matin, tu vas dire aux Canadiens de Montréal, Andrew Shaw est demandé par Nashville contre Samuel Girard. Je peux te dire qu'ils vont signer ça les yeux fermés en 4 copies, puis rapidement. C'est clair, mais c'est parce que c'est des besoins du Canadien. Mais tu sais, j'en parlais avec Tony cette semaine. Je pense en dehors des ondes que j'ai parlé de ça. Je n'ai pas parlé en ondes de ça, parce qu'en ondes... Idea of the record, c'est... Je peux me permettre de le dire. Tony, là, il me disait, puis j'ai dit à Tony, la meilleure organisation que Samuel pouvait aller, c'est Nashville. Je le vois pas à Montréal. À Montréal, il y aurait eu la pression. Écoute, t'as même pas... il aurait été vu comme... ce qu'on voit de Mété, là, écoute, si ça aurait été Samuel, puis c'est un Québécois, même toi la pression qu'il y aurait eu, Ça aurait été incroyable. Hein. C'est... Mais je vais te dire encore comment il surprend dans le cas de Samuel. Ouais. Je vais te donner un exemple, puis rappelle-toi. Tu parles de du jeune défenseur Mété qui était canadien. C'est le... OK. L'an passé, lors du camp d'entraînement de l'équipe junior canadienne... C'était les deux. Les deux ont été coupés. Ouais. Et regarde actuellement, ils sont dans la Ligue nationale tous les deux, alors que Pierre-Luc Dubois est le seul qui est en Ligue nationale qui vient d'être rappelé. Tu sais, je te parle en défensive, là. Ouais. C'est là que tu vois que partout où Samuel a passé, les gens ont eu un doute. Parce que quand on a vu le championnat du monde l'an passé, on a dit, il est petit, c'est une game de gros bonhomme. Tu sais, la junior des gars de 19 ans. Il est là actuellement, il a 19 ans, il joue avec des gros bonhommes encore plus gros que le championnat du monde, le junior, puis il réussit à tirer son épingle du jeu. Donc, c'est là que tu te rends compte que, moi, je me rappelle Bam-Tam, il brûlait le Bam-Tam. Écoute, on a rempli ici le Palais des Sports de Jonquière avec les Jeux du Québec avec Samuel Girard. Il y avait 3000 personnes. Ben, j'ai pas vu le Palais des Sports plein comme ça depuis que Samuel a passé lors des Jeux du Québec. Là. Samuel était la grande vedette, mais là, tout le monde disait, ah, laissez faire quand il va arriver au Midget 3A, là, ça va être difficile pour Samuel. Hein? C'était un peu ça. Il est arrivé au Midget 3A, il a brûlé le Midget 3A sa première année. Immédiatement, il est allé à Shawinigan. Ah oui, mais là, écoute, il y a 16 ans, là. Écoutez, là, attendez-vous pas, hein? Il est devenu quoi? Le meilleur défenseur de cette formation-là. Puis quand il a été repêché, à 18 ans, ouais, vous savez, dans la Ligue nationale, les gars sont gros, là. D'ailleurs, les dépisteurs professionnels ont régulièrement des lettres de leur dépisteur-chef en disant, en bas de 6 pieds, regardez les mêmes pas à part d'un exceptionnel. C'est un peu ça, là. Et dans le cas de Samuel, il mesure en bas de 6 pieds. Mais c'est un exceptionnel, là, quand je le regarde aller, là. Et hier... Je regardais encore son temps de jeu. 21 minutes, là. Effectivement. Pas 12 minutes, puis 13 minutes, là. Non. 21 minutes de jeu. Ah, il n'est pas sorti. Il n'est même pas sorti. Non. Moi, je pense qu'au moment où on se parle, la seule chose qui peut, je pense, ne pas aider Samuel pour dire qu'il reviendra au junior, c'est que l'équipe veut penser que si on le garde toute la saison, on vient de sauter une année dans la carrière. Mais si cette équipe-là, qui était en finale l'an passé, qui est pas loin de gagner, a besoin de Samuel dans son alignement, parce qu'ils peuvent échanger un autre défenseur pour aller mettre un peu plus de poids en attaque. Ouais. Et avec Samuel, il va bien compenser. Ils vont le faire, puis ils vont le garder, là. Ouais. Parce que cette équipe-là, avec Pekka Rinne, Pekka Subban, tous ces gens-là, ils sont prêts de gagner, là. Ils sont prêts d'une Coupe Stanley, là. Ouais. Donc, ils peuvent se servir de Samuel pour être facilement cinquième défenseur ou quatrième défenseur, là. Ouais. Donc, ils sont bien nantis, ils peuvent le garder. S'il serait d'une équipe où on lui demanderait, exemple, à Montréal demain matin, on le met là, et il devient presque le deuxième défenseur du Canadien, mettons que la pression serait forte pour lui, là. Puis un Québécois à 19 ans, tu sais. En plus, un Québécois. Mais là-bas, il n'y a pas ce problème-là. Non. Tout le monde le découvre. Je regardais les joueurs à la fin du match, puis quand il a marqué son but, tout le monde était heureux pour lui. Les commentaires d'après-match, c'est la même chose. Écoute, Samuel continue d'impressionner. Il continue de bien faire. Puis, pas beaucoup de personnes y croyaient, ben lui, il y croyait, puis il prouve actuellement. Puis c'est tellement un chic type. C'est un gars qui se prend pas pour un autre. J'ai fait quelques entrevues avec. C'est un gars qui est très réservé, qui s'exprime bien. Il est prêt de son public, il est prêt de son monde. Puis je pense, c'est le reflet de la famille aussi, là. Pas élevé dans la richesse, des gens qui sont habitués avec des choses normales, sans exagération. Non, là, les autres, là, ils vivent un rêve, ils vivent un trip, là. Ouais. Les gros hôtels, les suites là-bas, accueillis là-bas bras ouverts, dans le vestiaire après les matchs, mangent avec les joueurs puis les gens de la place. T'sais, pour eux autres, c'est un trip tout à fait extraordinaire, cette famille-là qui vit cette semaine. Dit, là. Il m'a parlé, Tony, puis il a dit du bon manger. Fait que du bon manger, écoute, ben du bon manger, c'est du bon. Écoute, quand t'es dans les salles, c'est une autre histoire, là. C'est quand... Non, mais cette fois, ils sont dans les grandes ligues, ils sont dans le majeur, on l'accueille comme on doit les accueillir. Ouais, d'ailleurs, la majorité des clubs de la Ligue nationale, quand un jeune fait ses premiers pas dans la Ligue nationale, accueille des parents comme ça, il les traite de cette façon-là. Et deux, c'est la vie de grand luxe, là. Écoute, il voyage en première classe, il voyage dans les avions nolisés pour les joueurs. Mm. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais, écoutez, il y a deux matchs de jouer. Là, il y a des blessés, ça fait l'affaire. On va attendre un peu plus tard, mais actuellement, il faut admettre une chose, il impressionne tout le monde. Puis je pense que c'est pleinement mérité dans son cas. Il fait le dernier point, parce que puis je veux faire un commentaire rapide. J'aurais voulu, parce que je veux pas faire une chronique de 30 minutes, là, mais je veux quand même, je peux pas m'empêcher de te... As-tu lu l'article de Régent Tremblay, c'est hier, sur l'hélium, sur l'arrogance du Canadien gonflé à l'hélium? T'as-tu vu ça? Écoutez, j'ai lu l'article, là. À Montréal, là, le Canadien, c'est une religion. C'est plus important que n'importe quoi. Je me mets propriétaire, puis peut-être que j'agirais comme eux également. Écoutez, les Blue Jays de Toronto n'ont pas gagné de la Ligue, ils ont tiré 40 000 spectateurs presque toute la saison. T'sais, c'est une religion à Toronto. Tu t'en vas là, les billets de baseball sont durs à trouver, comme à Boston, et comme ils sont dans bien des endroits. Le Canadien vit ce phénomène-là. Ils font des millions. Ils donnent de l'argent. Ils font tellement d'argent qu'ils en donnent aux équipes qui sont moins bien nanties. Mais c'est ça, actuellement. Les loges corporatives, c'est vendu. Tout est là. Ouais, mais moi, je pense que Phil, ça, ce qui passe pas, là, c'est ce que je peux entendre auprès des détenteurs de billets de saison. L'histoire des billets en carton, là, qu'on a facturé. Mais, Danny, qui détient les billets de saison au Centre Bell? C'est des multinationales et des multiriches. Ouais. C'est pas moi, puis toi, puis le monde ordinaire. Là. Non. Hey, écoute, un billet. Une bonne paire de billets, là, ça vaut 400-500$ du match, à 30 matchs, ça vaut 15 000. C'est qui va investir 15 000? Un homme normal, un couple normal, qui va investir 15 000 pour aller voir 30 matchs du Canadien, plus les séries, plus les billets des matchs en concours, parce qu'ils t'obligent à les acheter. Voilà, donc, c'est des multinationales, c'est des grandes compagnies, ils savent très bien. Régent, ils critiquent là-dessus, là. Ouais. Mais qui d'autre a élevé la voix pour critiquer ça, là? Il y en a pas. Régent Tremblay, parce qu'il y a une paire de billets, mais ça en est un gars qui est riche aussi, là. Mmh. Tu sais, ça fait partie des gens qui sont bien nantis. Donc, à ce moment-là, tu peux pas nécessairement blâmer le Canadien. Ça marche comme ça. Les salaires augmentent, les coûts des franchises augmentent, tout augmente. Donc, le Canadien, l'autre, il dit, nous, on joue du chef fermé, nos détenteurs de billets. C'est l'offre et la demande. C'est l'offre plutôt, l'offre et la demande. Exact. Ouais. T'as parfaitement raison. Et deux, je suis allé il y a 2 ans. Et, j'étais avec des amis à Montréal, on a décidé à la dernière minute de dire on y va au Centre Bell. On a réussi à obtenir des billets. C'était la formation de Washington qui était là. Donc, une bonne équipe de hockey. Un mardi soir, c'est parfait. On prend des contacts, on a des téléphones, on appelle. Ils ont dit oui, 6 billets, on va vous trouver ça, pas de problème. J'étais à la 8e rangée du plafond et j'ai payé 175$ pour mon billet. La bière à 12$ et le parking à 50$. Ça, c'est quoi? J'étais arrivé de me caler une bière avec un hot dog et un frit, à 23$. J'avais sorti un billet de 20$. J'ai trouvé me ressortir un 5$. C'est sûr. Écoute, ouais. Je vais aux États-Unis. Je vais au baseball aux États-Unis, puis c'est ça. Je suis allé au Mets. Je suis allé au Blue Jays, puis je me suis acheté 2 poutines avec une bière. Ça m'a coûté 39$. Ah, ouais, c'est ça. Moi, ça m'a coûté 20$ au Mets, puis avec une bière et un hot dog. Fait que... Quand tu vas là, Danny, tu sais comme moi. Moi, j'étais dans les estrades, puis tout le monde autour de moi, je regardais, c'était plein de jeunes, puis tout ça, puis tout. Il y avait toute la bière en main, puis les hot dogs, puis debout, cans, go, puis ça crie, puis ça a du fun, puis ça a du party. Donc, j'ai dit, les gens sont prêts à payer pour le spectacle. Les Rockets, Phil, on pourrait peut-être en parler sur notre chaîne. Les Rockets de Laval, j'ai l'impression qu'ils peuvent nuire, même aux Canadiens. C'est pas drôle à dire. Mais c'est pas le même monde, les billets sont pas le même prix, là. Tu sais, je veux dire, puis deux, c'est à Laval. Moi, je pense que... Mais là, c'est l'euphorie du début. Ça, là, ça m'a vous donné un exemple. Les Remparts de Québec, quand ils ont ouvert le stand Vidéotron, ils ont joué devant 14 000 spectateurs de moyenne. Actuellement, ils jouent devant 8 000. Mais c'est le même hockey junior, puis c'est la même équipe, et ils gagnent, puis ils vont bien. Mais la différence, il y avait la nouveauté du stand Vidéotron. Tout le monde voulait aller voir le stand Vidéotron. Ah, ici, un soir, là, on avait 11 autobus du Saguenay pour aller voir où est Saguenay, là-bas. Mais à Laval, ça va être la même affaire. C'est la première année, tout le monde va aller voir l'aréna. On va profiter pour aller voir un match de hockey en même temps. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer comme ça. Deux, le Canadien va leur donner une très bonne équipe, ce qu'il n'y avait pas à Saint-Jean. Phil, on s'en reparle. Je regarde. Il y a la moitié des joueurs qui sont là qui sont des joueurs de la Ligue nationale. Phil, on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, Phil.